Amis vierges, bonjour. Alors, on va regarder quel est le message de l'oracle de Béline pour vous, pour vos amours. On va se concentrer sur vos amours pour le mois d'avril 2023. Alors, que nous dit le tirage, amis vierges? Bon, eh bien, vous avez besoin, vous avez envie de tranquillité, plutôt de choses paisibles. Et vous voyez ici, eh bien, qu'est-ce que l'on a? On a quand même l'épanouissement. L'épanouissement de votre personne et le bien-être. Donc, globalement, c'est une bonne coupe, mais on va voir quel est le tirage. Avril 2023 pour les vierges. 2023 pour les vierges. Tac, tac. On y va. Ah, tiens, un peu de retard. Concernant les amours. Tiens, il y a peut-être quelque chose. Alors là, je suis obligée d'en retirer trois, hein, parce que pour voir. Apparemment, pour les couples, eh bien, vous êtes bien en couple, tout va bien, mais en fait, non, tout va pas bien. C'est pas entre vous, c'est comme s'il y allait avoir un peu un malaise, une difficulté à cause d'un projet. Alors attendez, je vous montre à l'écran. À cause d'un projet qui va prendre du retard, un projet commun. Il y a des choses qui n'avancent pas suffisamment vite. Alors ça peut concerner une maison et du coup vous allez commencer à peut-être à vous agacer, à prendre peur. Et alors si ce n'est pas concernant une maison, ça peut être un tout autre projet commun. Mais on dirait en tout cas, si je résume parce que vous êtes nombreux, nombreux, nombreuses amis vierges, on dirait que tout ce qui est souci pratique, plus d'ordre pratique, eh bien, risque de nuire au bien-être de votre couple. Alors, c'est bien de partager le bonheur, mais c'est moins bien de partager ses peurs et ses angoisses, sauf si c'est pour en discuter et essayer de les évacuer. Mais à partir du moment où vous vous chargez l'un l'autre de vos peurs, de vos angoisses, eh bien, vous risquez de nuire à votre relation. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le mieux, c'est peut-être de parler à des personnes de confiance, à des amis, et de penser à vous tirer vers le haut, à vous entraider l'un et l'autre, plutôt que de vous enfoncer vers l'inquiétude. Alors, heureusement, ouf, là, je parle et j'ai l'impression que ça vous inquiète encore plus. Mais non, parce que derrière, j'ai quoi? J'ai l'amour. Les discussions dans l'harmonie, dans l'amour qui arrivent, et finalement, on voit bien qu'on parle plutôt de finances ou en tout cas de choses matérielles. Vous allez trouver ensemble la solution, et les solutions, on en trouve toujours. Donc voilà, et le plus important, c'est votre relation amoureuse de toute façon, et sachez que de toute façon, ensemble, on est plus fort et vous allez trouver une solution. Et donc, pour les célibataires, c'est vrai que là, c'est un peu complexe là ce mois-ci. Pour moi, il n'y a pas de rencontre au mois d'avril ou en tout cas rien de très sérieux. Je dirais même qu'il faudrait éviter certaines personnes un peu malsaines qui peuvent vous démoraliser plus qu'autre chose. Aller vers voilà, par la suite, vous allez avoir plutôt des possibilités d'ouverture de rencontres amicales, affectives, amoureuses, mais c'est pas ce mois-ci. Mais les choses vont s'améliorer par la suite. Donc un peu de patience et restez bien dans la lumière. À bientôt!